السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، aujourd'hui c'est le dernier des 200 questions-réponses في العقيدة الصحيحة. Nous étions la dernière fois dans le sujet du kufr, les différentes formes de kufr. D'accord. Et on en a visité qu'elle était le 4. En citant bien sûr le kufr qui est, lui, majeur. Alors le kufr, on a expliqué, était de deux sortes. Al-kufr al-akbar, celui qui est majeur. Ou al-asrar, qui est le mineur. Et dans le majeur, on avait dit qu'il y avait quatre formes de kufr, qui est kufr jahl wa takdhib, l'ignorance et du démenti. Kufr al-juhud, celui du rejet. Kufr al-inad wa istikbar, le kufr de l'obstination et de l'orgueil. Wa kufr nifaq, et le kufr de l'hypocrisie. Naam. Et on a cité ces catégories-là avec leur adillah. Donc maintenant, il va parler du kufr, maintenant, qui est, lui, mineur. Yaqul fi as-su'al الثامن والستين بعد المئة 168 question. ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. Donc elle a dit maintenant c'est quoi ce kufr amali qui ne fait pas sortir de la communauté. Et quand on dit amali, c'est un kufr qui est lié aux actes, car l'autre, le kufr akbar, c'est kufr i'tiqadi qui est lié à la croyance. Mais ce n'est pas dans l'absolu, comme vous allez voir qu'il y a des choses qui sont liées aux actes, mais qui rentrent dans la croyance. D'accord ? Naam. يقول هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عمله. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Donc c'est toute désobéissance qui a été nommée kufr par la législation. Tout en ne rendant pas mécréant l'auteur. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a dit, après ma venue, ne redevenez pas mécréants en vous tuant les uns les autres. Donc ce hadith, qu'est-ce qu'il laisse croire? Que le combat entre les musulmans serait de la mécréance. D'accord? Si on prend ce hadith-là seul. Mais dans un autre hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sibab al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Dans un autre hadith, il a dit que insulter les muslims, cela est de la perversion, et le combattre de la mécréance. Donc là aussi, dans ce deuxième hadith, le combat du muslim est nommé mécréance. Taïb. Donc quelqu'un va prendre ces deux hadiths-là et va dire, khalas, quiconque qui combat un muslim, c'est un kafir. On va dire, mais dans le Coran, Allah dit bien. وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ اِكْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Dans le Coran, Allah dit que si deux groupes de croyants se combattent, alors réconciliez entre les deux. Donc là, dans le Coran, Allah a bien cité que des croyants peuvent se combattre et les a nommés comme étant des croyants. Donc comment on interprète les deux hadiths précédents, que le kufr cité dedans, c'était du kufr amali, donc asrar. D'accord ? Donc c'est ça l'exemple, le kufr amali, c'est ce que les textes ont nommé kufr dans un hadith, ou peut-être même un verset, mais qui en réalité n'est pas du kufr qui sort de l'islam. Mais cela on peut le savoir comment? En joignant entre les textes. Et ne jamais oublier la règle majeure. Et c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc en réalité, la chose qui est impardonnable, c'est le kufr, yani c'est le shirk. Tout ce qui n'est pas du shirk ou du kufr, d'accord, c'est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il pardonne, s'il veut, il châtie pour ça. Donc, il faut revenir tout le temps à ce verset-là. Quand on voit des versets, des hadiths ou d'autres versets qui laisseraient penser qu'un acte autre que le shirk ou le kufr puisse amener à aller au feu éternellement, tous ces textes-là sont interprétables. Et il faut revenir au texte de base, au murkam, comme on dit, qui sont ceux-là. D'accord? Non. كذلك dans un hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وتوبة معروضة بعضه وفي رواية ولا يقتل وهو مؤمن. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le fornicateur au moment où il fornique n'est pas croyant, que le voleur au moment où il vole n'est pas croyant, que celui qui boit de l'alcool au moment où il en boit, il n'est pas croyant. Toutefois, le repentir est toujours accessible après. Et également, on dit que celui qui tue au moment où il tue n'est pas croyant. Donc, qu'est-ce que les gens vont croire en disant ce hadith-là ? Ben, que celui qui fait zina, ben, il n'est pas croyant. Que celui qui boit de l'alcool, ce n'est pas croyant. Et pourtant, ces choses-là sont des péchés et non pas de la mécréance ou du shirk. D'accord ? Donc ça rentre dans le kufr amali. D'accord ? Dans le kufr amali qui est le kufr asrar qui est le bina. Et c'est quoi la réponse à ce hadith qui prouve que justement ce n'est pas du kufr akbar ? Fi hadith abizar, قال النبي صلى الله عليه وسلم من ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في رابعة على رغم أنث أبي ذر متفق عليه. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit qu'il n'y a pas un serviteur qui n'a dit لا إله إلا الله puis est mort, c'est-à-dire sur cette parole-là, sans qu'il ne rentre au paradis. Et de là, Bouza, il a dit, et même s'il vole ou s'il fornique, et le Nabi Sassam, il a dit, même s'il vole, même s'il fornique. Et là, Abu Dhar a répété, même s'il vole, même s'il fornique, et là, le Nabi Sassam, il a répété, oui, même s'il vole, même s'il fornique. Et cela trois fois de suite. Et à la fin, il a dit, et cela en dépit de ce que pense Abu Dhar. Ça veut dire que celui qui a le tawhid et qui meurt sur le tawhid, alors il ira au Jannah, même s'il aura commis des grands péchés. D'accord ? Donc ce hadith-là vient pour éclaircir le précédent que voler ou que forniquer ou autre, même si cela est passé dans des hadiths qui laissent penser qu'il s'agit de kufr, ce n'en est pas. Ce n'en est pas. Donc ça rentre à ce moment-là dans ce qu'on appelle le kufr al-amali, qui est le kufr mineur, les créances mineures. Donc il dit l'auteur, على يدل على أنه لم ينفي عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد. Donc cela prouve que ces actes n'ont pas supprimé la base de la foi de leur auteur. Cela ne s'oppose pas à la base de la foi. Cela s'oppose à la perfection de la foi. C'est-à-dire que sa foi, elle est réduite, elle est manquante. Mais elle n'est pas absente dans sa totalité. قال فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي. Sans quoi, le Nabi صلى الله عليه وسلم, pourquoi est-ce qu'il aurait dit que celui qui dit لا إله إلا الله rentre au paradis, même s'il a fait ces actes-là. C'est bien pour montrer que cela n'est pas de la mécréance majeure. وقال فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. Car dans un hadith, il a dit seule une âme croyante rentrera au Jannah. Donc celui qui avait commis ces actes, s'il rentre au Jannah, prouve qu'il est un croyant également. وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. Comme nous avons dit. Et par ces hadiths, il a juste voulu montrer que sa foi, elle est réduite et qu'elle n'est pas parfaite. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم للتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها والله سبحانه وتعالى أعلم. Par contre, à quel moment la personne devient mécréante par rapport à ces actes-là, si jamais elle va les rendre halal, Si en ces actes halal, alors là, il deviendra mécréant. Pourquoi? Car cela reviendra à vous démentir, cela reviendra à démentir le Coran et la Sunna. Car ce sont des péchés qui sont clairs, qui sont connus en islam. Voler, c'est interdit. Boire de l'alcool, c'est connu, c'est interdit. Même les koufars savent qu'en islam, c'est interdit. Forniquer, c'est interdit. Et toi, tu veux, tu dis non, c'est halal. Donc, tu es en train de dire que dans le Coran, d'accord? Dans le Coran, Allah, il a menti. Il ne dit pas la vérité. Ou que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit la vérité. Donc, à ce moment-là, tu auras mécru. Mais c'est quoi ton acte de mécréance? D'avoir démenti les textes. Et il dit l'auteur que celui, même s'il ne fornique pas, même s'il ne boit pas d'alcool, par exemple, même s'il ne vole pas, il ne fait pas ces choses-là, mais dans son cœur, il considère que c'est halal, il aura mécru. Pourquoi? À cause de cette croyance dans son cœur. Donc, à bien comprendre, même s'il ne l'aura pas commis, mais du fait qu'il, dans son cœur, il dit si c'est halal de faire cela, alors à ce moment-là, il aura mécru. Non. Ça y est. Il y a quoi le fils Owel, et t'as si on va citer une barre de l'Mia. 169e question. Il y a qui l'a l'ana, elle est sous Dieu des Sanam, ou est-ce qu'il y a un autre kitab, ou est-ce qu'il y a un ou le hasal bil din, ou le nahwa zalika, ada kulluhu min le kufr al-amali, fima yazhar. فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل. Donc il a dit, si quelqu'un dit, mais est-ce que le fait de se prosterner pour une idole, ou le fait de déprécier les livres, le Coran, on va dire plutôt le Coran, là ça part du Coran en soi, ou insulter les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ou se moquer de la religion, toutes ces choses-là rentrent dans les actes. Donc on va dire amali. Donc pourquoi ces choses-là, par contre, elles font sortir de l'islam? Pourquoi elles font sortir de l'islam? Il dit "I'lam anna hadi arba'a wa ma shaka laha laysa hiya min al-kufr al-amali illa min jihat kawniha waqi'atan bi'amal al-jawarih fi ma yadhhar lin-nas. Walakinaha la taqa' illa ma al-dhahab 'amal une erreur de frappe là, on dirait. Ma'adhab amal al-kalb. Je pense que c'est al-kalb qui est écrit, non? Al-kalb. Miniyatihi wa ikhlasihi wa mahabbatihi wa qiyadihi. La yabka ma'aha shay'u min dhalika. Faya wa inkanat amaliyatan fi zahir, fa inna mustalzima lil-kufr al-i'tiqadi wa la budd. Donc il a dit, ces quatre là qu'on vient de citer là, se prosterner pour autre que Allah, une idole. D'accord? Le fait de déprécier le Coran, par exemple, le Coran, tu le piétines ou tu le mets dans le najasa ou ce genre de choses. D'accord? Tu le rabaisses. C'est le sacrilège, quoi, du livre. Insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou se moquer de la religion. Il a dit, même si ces choses-là rentrent en étant des actes, cela n'émane qu'une personne qui n'a pas de croyance dans son cœur. C'est un acte, mais qui n'émane que d'une personne dont la foi requise est absente de son cœur. Qui est-ce qui pourrait oser faire ce genre d'acte? Personne, à part quelqu'un qui a un problème dans son cœur, dans la foi. D'accord? Dans sa sincérité et dans son intention. Donc de là, ces actes-là, eux, sont du kufr qui fait sortir de l'islam. Sans le moindre doute. Et il dit, ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. Et que ce genre d'acte ne provienne que d'un munafiq. D'accord? D'un hypocrite. Ou alors d'un gros obstiné. Qui refuse de se soumettre. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal dit à propos des munafiqins dans Surat At-Tawba, à propos de la bataille de Tabuk. قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وإلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc il s'est passé quoi? Que des munafiqun s'étaient moqués du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. D'accord? Et ensuite, Allah Azzawajal les a dévoilés. Et ils ont dit, nous ne faisions que bavarder des plaisanteries de chemin. Et Allah, dans le Coran, il a dit, est-ce d'Allah et de son messager, ou de ses versets de son messager, dont vous vous moquiez, de vous excuser pour ces sept mécrus après avoir eu la foi. Donc là, ça prouve que cet acte-là est un acte qui n'a pas été pardonné, à part à certains qui ont fait tawbah. Sans quoi, c'était une chose qui faisait sortir de l'islam. Et ces gens-là, qui ont agi de la sorte, étaient des munafiqoun et le nifaq, on avait expliqué auparavant que ça rentre dans le kufr majeur. Même si le nifaq, comme on va dire aujourd'hui, est de deux sortes, le nifaq qui sort de l'islam rentre dans le kufr majeur. Donc il dit « Nahnu la nu'arif al-kufr al-asrar bil-amali mutlaqan » بل العملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. Donc il a dit, nous n'avons pas décrit le kufr amali, c'est-à-dire asrar, comme étant une chose qui est liée aux actes fakat. Mais il y a des choses qui sont liées aux actes qui, elles, s'opposent à la base de la foi et qui font sortir de l'islam, comme ces quatre actes cités là dans la question. Sont des actes, d'accord ? Mais ces actes-là, eux, sont des actes qui annulent l'islam, qui annulent la foi, et qui s'y opposent, c'est-à-dire qui s'opposent à la base même de la foi. Non. قال في السؤال السبعين بعد المية 170e question. Il aime qu'un قسم ينقسم كل من الظلم والفسق أو الفسوق والنفاق. Donc maintenant, en combien se divisent ces trois choses-là qui sont le fisc, la perversion, le zulm, l'injustice, le défaire, l'hypocrisie. En combien ils se divisent ? Il y en a qu'un kullu minhuma ou minha ila qismayn akbar wa wal kufr wa asghar dun dhalik. Chacun des trois se divise en deux. Il se divise en majeur, et cela c'est du kufr majeur, et en mineur. D'accord ? Le zulm, l'injustice, se divise en Zulm Akbar et en Zulm Asrar. Le Fusouk, le Fisq, perversion, se divise en Fisq Akbar et en Asrar. Et le Nifaq, l'hypocrisie, également en Akbar et en Asrar. Et tout ce qui est Akbar, ça rentre dans ce qui sort de l'islam. Ça rentre dans la mécréance majeure. Et tout ce qui est Asrar, non, ne l'est pas. يقول في السؤال 71 بعد المية 171e question ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر. Donc maintenant il dit, donne des exemples justement de kufr, de zulm afouen, zulm akbar et zulm asghar, d'injustice majeure, d'injustice mineure. Un exemple du majeur. يقول الله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين. Que dans le sens où Allah dit, n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne ni te profitera ni ne te nuira. Si jamais tu fais cela, tu seras alors du nombre des injustes. Sourate Yunus, verset 106. Donc là, tu es invoqué autre que Allah Azawajal. Comment cela se nomme ? Du shirk akbar. Et pourtant Allah il a dit, tu seras du nombre des injustes. Donc là, c'est l'injustice qui est majeure, qui est le shirk majeur. Ça, c'est un exemple. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الشِّرْكِ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Que certes, l'association, le shirk, est une injustice immense. Luqman, verset 13. Donc, c'est quelle injustice à ce moment-là ? C'est الظُلْمُ الْأَكْبَرُ. C'est l'injustice qui est majeure. Celle qui sort de l'islam. À bien comprendre. Ensuite, مِثَالَ الظُلْمُ الَّذِي دُونَ ذَلِكَ. Exemple de ظُلْم qui est moindre que cela. Ma zakara Allah ta'ala bi qawlihi fi at-talaq wa taqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. Maintenant, un exemple de zulm qui est lui asghar, injustice qui est mineure, dans le sens où Allah dit, et craignez Allah votre Seigneur. Et il dit à propos des femmes qui ont été divorcées, de ne pas les sortir de leur maison, et qu'elles ne pas en sortir, sauf si elles ont commis une turpitude. Claire, D'accord? Quand un homme divorce de sa femme, c'est ce qu'on appelle la idda, la période de viduité, qui est de 3 menstrues. Pendant cette période-là, il n'a pas le droit de l'expulser de son foyer et de continuer avec sa femme. Elle a les mêmes droits, sauf qu'il ne la touche pas. Il n'a pas de rapport avec elle. Mais elle doit toujours lui obéir et lui doit toujours dépenser pour elle. D'accord? Donc Allah Azawajal a interdit de l'expulser de la maison. Et il dit, sauf si bien sûr elle a fait une chose, par exemple elle a commis le zina, elle a trompé avec un autre homme, là c'est autre chose. Il y a encore des coupures. Bon, on poursuit quand même. Donc on disait qu'il n'est pas permis d'expulser, de sortir la femme du foyer en période de viduité. Et qu'il s'agit là des sentences d'Allah Azawajal. Et il dit, Allah dans le sens, que celui qui enfreint les limites d'Allah a été injuste envers lui-même. Donc le shahid, c'est que Allah Azawajal, il a dit qu'il était injuste. Mais quelle injustice maintenant? Est-ce que c'est la même que celle citée dans le shirk? Non. Là, c'est l'injustice mineure. Celle qui ne fait pas sortir de la communauté. D'accord? وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. Il a dit également toujours au sujet de la femme divorcée, et ne la retenez pas juste pour la nuire. Tu as des gens, par exemple, des hommes qui ne veulent pas rester avec leur femme ni leur rendre leurs droits, mais ne veulent pas les divorcer pour leur nuire, pour pas qu'elles puissent se remarier ou qu'elles puissent avoir retrouver leur liberté. Donc il la garde avec eux sans pour autant leur rendre leurs droits. Donc il a dit, Allah dans le Coran, dans le sens, ne les retenez pas pour leur nuire et pour être et pour les oppresser. Et celui qui fait cela est injuste envers lui-même. Sourate Al-Baqarah, verset 231. Donc là, ce zulm qui était nommé dans ce verset, c'est le zulm qui est mineur. D'accord. طيب. ثم قال في السؤال الثاني والسبعين بعد المئة 172e question. ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر. Donc maintenant il veut également nous montrer la différence qui est entre le perversion qui est majeure, celle qui est mineure. Les tests qui ont divisé entre les deux. قال تعالى إن المنافقين هم الفاسقون. Il a dit que les hypocrites sont eux les pervers. Sur la Tauba, verset 67. Les munafiqoun, on sait que ce sont les kuffars. Et là, il parle du nifaq akbar dont on va parler, inshallah. Et il dit, à propos du fisc qui est mineur, il dit, voilà takbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqoun. Il a dit, à propos de ceux qui accusent les gens, principalement les femmes, de fornicatrices sans ramener des témoins, sans ramener des preuves, dans le sens, alors là il dit, et n'acceptez d'eux aucun témoignage à tout jamais, et ceux-là sont les pervers. Surat Nour, verset 4. Donc là, il les a nommés pervers. Mais est-ce que ces pervers-là sont les mêmes que les pervers munafiqoun? Non. Cette perversion-là, c'est la perversion qui est mineure. Elle est grave, certes, mais elle ne fait pas sortir de l'islam. D'accord. Ceux qui accusent les hommes, même les femmes, parmi les croyants de droiture, qui les accusent de fornication, sans ramener des preuves, qui sont 4 témoins qui ont vu l'acte clair, c'est-à-dire la pénétration, l'acte clair, de façon limpide, ou alors qu'il n'y ait eu d'aveu de la part de la personne, alors celui-là, même si on a dit, même s'il il a vu la chose, hein, il a vraiment vu la personne forniquer. L'homme ou la femme forniquer, mais ils ne sont pas 4 témoins à apporter leur témoignage. Alors lui, en religion, on le considère comme étant un pervers. Il n'a pas le droit de dire, j'ai vu un tel faire telle chose avec une telle. Il n'a pas le droit de le dire, même s'il l'a vu. Même s'ils sont 2 à l'avoir vu, ou 3 à l'avoir vu. Il faut qu'il soit 4. 4, c'est comme ça en islam. D'accord? Ou alors que la personne qui a commis l'acte avoue d'elle-même. Il dit, oui, c'est vrai, je l'ai fait. Là, à ce moment-là, on peut dire un tel, il a forniqué. Pourquoi est-ce qu'il est reconnu? Sans quoi on n'a pas le droit de le dire. Donc celui qui viendra à dire, à propager ça au sein des gens, à l'insulter, une insulte qui amènera à l'accuser de cela, d'accord ? Alors lui, c'est un pervers. Mais sa perversion n'est pas une perversion majeure. Taïeb. Et maintenant, il va parler justement du nifaq. Dans la Souhel Thalis wa Sabin Bad al-Miyah. 173e question. Il dit Ma mithal kulla min al-nifaq al-akbar wa al-asghar. Donc il a dit maintenant, c'est quoi les exemples de l'hypocrisie majeure et de la mineure. Il a dit Mithal al-nifaq al-akbar. ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة. Les exemples de nifaq majeur, ce sont par exemple ce qu'on a dit dans Surat al-Baqara au début, dans les douloureux précédents. Ces versets-là parlent du nifaq akbar. C'est celui qui laisse apparaître la foi, alors qu'il renforme au fond de lui la mécréance. Et également ce que là dans le Coran il dit إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Dans le Coran, il dit que certains hypocrites tentent de tromper Allah, alors que c'est Allah qui les trompe. Jusqu'à ce qu'ils disent, certes, les hypocrites sont au degré le plus bas de l'enfer. Surat les femmes, versets 142 à 145. Ces versets-là parlent du nifaq akbar, qui est le nifaq al-irtiqadi, qui est l'hypocrisie majeure. Et aussi dans Surat al-Munafiqun, la Surat des hypocrites. Allah dans le Coran, il parle de qui ? De cela, de l'hypocrisie majeure. « Iza ja'aka al-Munafiqun, qalu nashhadu innaka rasulullah, wallahu ya'lamu innaka rasuluhu, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. » Que si jamais les munafiqun te viennent, ils disent « Nous attestons que tu es le messager d'Allah. » Et Allah sait que tu es son messager. Et Allah atteste que les munafiqun sont des menteurs. Donc ces versets-là, parle de quel nifaq ? Du nifaq qui est akbar. L'hypocrisie majeure. Celle qui fait sortir de la communauté. Et quant à au nifaq qui est asrar, l'hypocrisie qui est mineure, c'est celle qui est venue dans le hadith. Dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit « Ayat munafiq thalath, idha haddatha kazaba, wa in wa'ada akhrafa, wa idha tu'mina khana » Que les signes du munafiq sont le 3. Il est par de quel munafiq ? Munafiq amali, ashar, mineur. Sont le 3. Lorsqu'il parle, il ment. Et lorsqu'il promet, il enfreint. Et lorsqu'on lui confie, il trahit. Et dans une autre version, il y a 4 signes. Et lorsqu'il rentre en litige, en désaccord, il enfreint, il dépasse ses limites. D'accord ? Ça sont les signes de l'hypocrite. Mais de quel hypocrite ? L'hypocrite, dans le sens littéraire, c'est celui qui cache ce qui renferme, qui laisse apparaître le contraire de ce qu'il pense. Là, on ne parle pas de la foi, là. Ça ne concerne pas la foi, là. Là, ça concerne le terme hypocrite, comme on peut le dire à quelqu'un, de façon littéraire, toi, tu es un hypocrite. Dans quel sens ? Tu es quelqu'un, en fait, tu me dis une chose, mais en fait, tu penses le contraire. Tu n'es pas sincère. D'accord ? Et celui-là n'est pas forcément mécréant. Mais celui-là, c'est très très grave. Le mécréant, c'est celui qui cache la foi, qui cache la mécréance et qui laisse apparaître la foi. Et t'as des gens, ils sont des croyants, mais ils ont de l'hypocrisie en eux. Ils te font croire qu'ils t'aiment bien alors qu'ils ne t'aiment pas. Par exemple. D'accord ? Pour te tromper. Et bien lui, il rentre dans l'hypocrite mineur. D'une hypocrisie mineure. Et ses signes, ce sont ceux cités dans le hadith. Quand il parle, il ment. Donc les menteurs, d'accord ? Celui qui ment, il a de l'hypocrisie en lui. Celui qui trompe le dépôt, on lui confie des choses et trahit ce qu'on lui a confié. Et on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas fait exprès, on parle de quelqu'un qui s'en fiche. D'accord ? Ou quelqu'un qui te promet et qui enfreint, et qui sait qu'il va enfreindre. Pas quelqu'un qui n'a pas pu. D'accord ? Ou quelqu'un lorsqu'il rentre dans des litiges, il dépasse ses limites, il va trop loin. Donc lui, c'est un munafiq également. Mais quel munafiq ? Du nifaq amali, qui est nifaq mineur. Donc voilà le dars qu'on a pris aujourd'hui par rapport à ces questions-là. Et Inch'Allah, demain, on rentrera dans ce qui touchera à la sorcellerie. Inch'Allah ta'ala. Anaktafi bidal qadr. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.